Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, l'adaptation d'un best-seller. On dit de Lou qu'elle est une enfant précoce. Elle a 13 ans, deux classes d'avance et un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère emmurée dans les tranquillisants, peu d'amis et le ressenti aigu d'un monde qui va de travers. Lou doit faire un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu une à la gare d'Austerlitz, une qui fait la manche, qui demande des clopes, qui s'endort sur la table du café lorsque Lou lui offre à boire pour l'interviewer. Très bien, quel est votre sujet ? Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF, sa vie, enfin son histoire, comment elle se retrouve dans la rue. No comme en anglais ? No comme Nora. Toi ? Lou. Comme un loup ? Je dors pas, je vis pas dans la rue. Je dors même pas 10 fois dehors. En fait, je t'ai dit, je change souvent d'adresse, donc c'est provisoire, je suis pas une clocharde. En plus, si j'ai pas de travail, je peux pas trouver un centre. Je sais pas ce que je vais faire à tout, je sais plus du tout. Mais maintenant, je suis sûre de ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'en suis sûre. On peut la prendre à la maison. Non, attends, laisse-moi finir. Et que tu dis tout le temps que le monde va mal. Et là, vous avez l'occasion de sauver une vie. Et ça compte une vie. Merci. Bah, ils ont appelé, ils m'ont trouvé un travail à mi-temps dans un hôtel comme femme de chambre. Wow. No et moi, un très beau film de Zabou Breitman avec Bernard Campan, un DVD Diafana.